Au Cambodge, aujourd'hui, des enfants ont besoin de votre générosité. Lien, souffrant d'une grave malformation cardiaque, doit être opérée d'urgence. Vous pouvez l'aider en participant à la chaîne de solidarité pour Lien. En donnant quelques euros, vous lui sauverez la vie. Envoyez vos dons à Enfance Malade, 405 Boulevard Brune, Paris CEDEX 17. N'oubliez pas de joindre vos coordonnées. L'association Enfance Malade faisant partie de la charte de déontologie des organisations humanitaires, nous vous rendrons compte directement de l'usage de votre argent.